Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Alors, venu spécialement d'Abidjan ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter Alpha Blondie. Est-ce que vous avez attaché les ceintures? Vous avez attaché les ceintures? Est-ce que vous êtes prêts pour le décollage? Vous êtes prêts pour le décollage? Alors on lève les mains, on lève les mains, on lève les mains, on lève les mains, on lève les mains. On fait comme ça. Alpha Blondie. Alpha Blondie. Alpha Blondie. Ok, merci, vous avez attaché la ceinture. On va décoller ensemble. D'accord? De 5 à 0. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? On y va ensemble. 5, 4, 3, 2, 1.